Bonjour. Bon, il y en a un. Bon, on devrait être débarrassé. Possiblement, mais d'après moi, ça se pourrait que il va avoir la pensée de revenir. C'est sûr. Puis ça lâchera pas. Bon. Puis bon, je suis peut-être un petit peu trop franc. Je suis allé dire à la personne qu'elle était chevauchée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que. Par expérience, je peux vous dire, ça se peut qu'ils reviennent. C'est arrivé souvent, hein, quand je dis, la personne a dit qu'elle ne reviendra plus, puis je dis, non, non, il va revenir sous une autre forme, là, un autre pseudo. Parce qu'il y a certains phénomènes que par expérience, on finit qu'on les connaît, c'est-à-dire que, bon, il y a un chevauchement. Donc, la personne, elle va être incitée au niveau de pensée à continuer, puis la personne ne sait pas que ça vient pas d'elle, puis elle va s'identifier à ces pensées-là, donc elle finit qu'elle revient. Aussi, des fois, bon, je manque de délicatesse, hein? Je manque de délicatesse, puis je manque de diplomatie, mais ça, bon, je considère pas ça comme un défaut, mais c'est vrai que des fois, je manque de diplomatie. Puis j'ai dit, ben, le désespoir, tu vas l'avoir. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je le souhaite, parce qu'après ça, je me fais répondre, là, moi, je te souhaite pas le désespoir, contrairement à toi. Non, non, je souhaite pas de désespoir, mais je le sais qu'il va y en avoir. Parce que je le sais. Parce que ça se sent. Ça se sent. Puis ben franchement, là, ça a été pénible. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, bon, on me dit, je devrais pas me fier à mon ressenti. Non, non, non, non. Quand je sens que je me fais drainer de l'énergie, parce que c'est pour ça que du monde comme Ménard était très sélectif, très bon. Il y en a par expérience, ils le savent. Hein. Mais moi, j'étais un petit peu, même si par expérience je le sais, bon, ben, je me laisse faire. Je suis porté à me laisser faire. Puis, si vous auriez dû vu, bon, là, j'ai barré, mais je me doute, ça se pourrait qu'il revienne d'un autre. Un autre pseudo. Mais l'affaire, c'est que, bon, c'est parce que je le sens. Je le sens, le désespoir. Je le sens, le vide, là, ici, là, il y a un trou, hein. La personne est malheureuse, dans le fond. Pour ça, je vous dis, bon, ben, les nouveaux convertis qui s'en vont, si on peut dire, on pourrait dire, en religion. Bon, ben, foi, c'est fidesse, ça vient de confiance. Fidélité, confiance, affaire de main. Donc, est-ce que c'est une activité de compensation? Donc, est-ce que c'est un jeu, qu'on pourrait dire de l'astral? Dans le sens, est-ce que vous c'est par exemple une peur de l'enfer? Une foi qui est lié au fait que la personne elle souffre psychologiquement, puis que ça va, à un moment donné, il va y avoir, on va donner des formes, puis l'angoisse, donner des formes à l'angoisse. Puis là, ça va être par peur de l'enfer. Moi, je vous le dis, c'est pas solide, ça. Puis ça, je le dis par expérience. Ça sera pas solide, là, ça marchera pas. Pas mon expérience, là, mais mon observation d'expérience de d'autres. Puis bon, la réponse, ça suintait le mépris, mais un mépris total, puis c'est rien que des insultes. En plus, bon, moi d'être allé dire, bon, ben, on sent une certaine agressivité, non, non, je me fais traiter de sophiste, puis de. Mais si vous aviez vu, mais il doit y en avoir qui ont vu. Ça sent le mépris, là, mais le mépris. On a affaire à du monde qui s'aime pas. Puis là, je parle pas en opposition avec du monde qui s'aimerait comme un narcissisme, là. Je parle du monde qui s'aime pas dans ce qu'on pourrait appeler par rapport à bon l'enfance. Puis bon, ça crée des personnages. Ben, des personnages. Ça crée des personnalités. Un problème. Ben oui. Parce que bon, ben, si tu as trouvé la voie, la vérité, puis tout, t'es supposé te réjouir de ce qui se passe, d'une certaine façon. Jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que, bon, quand vous verrez ces choses, ainsi de suite. Mais non. C'est pour ça que je dis, il va y avoir un désespoir. J'en connais du monde qui, bon, il y a une amie de la famille, là, elle, Elle va à l'église tous les dimanches, puis elle fait tout. Bon, puis pareil, à un moment donné, t'es arrivé en crise de larmes, j'ai des idées noires. Bon, dans ce temps-là, je m'en occupe pas. Pourquoi? Parce que l'affaire, c'est que c'est pas à moi. Au niveau de. Je vais parler sur YouTube, je m'en sers de ma chaîne YouTube pour parler. Mais au niveau de mes proches, j'essaie de me mêler de mes affaires, puis c'est pas à moi d'instruire sur c'est quoi l'astral. C'est quoi les plans? C'est quoi les plans subtils? Pourquoi est-ce que, justement, est-ce qu'on pourrait appeler en guillemets la religiosité est liée à l'astral? Puis que c'est une porte des fois pour se dépasser. Bon, ça dépend toujours. Puis là, l'affaire du ouais, mais tu dis que je comprends pas, faut que je m'en aille, mais dans le supramental, il n'y a rien à comprendre. Ben oui, mais il y a une différence entre le supramental et le phénomène, puis les aspects sociaux. Et d'autres affaires. Souvent, bon, ce qui n'est pas compris, c'est pourquoi je vais dire certaines choses, le pourquoi. Mais là, le supramental, en tant que phénomène, il n'y a rien à comprendre. Là. Mais là, ça, c'est plus individuel. L'affaire qui n'a rien à comprendre, c'est plus de l'ordre de l'individuel. Mais au niveau d'un échange, là, bon, oui, il y a des affaires à comprendre. C'est-à-dire, je dirais plus à voir. Soit c'est vu, soit ça ne l'est pas. Puis je suis bien content que dans ma vie privée, dans ma vie de tous les jours, je m'en occupe pas de ces affaires-là, dans ce qui est autour de moi. À un moment donné, quand j'avais ma maison, il y a un cousin de ma conjointe du temps, il venait d'acheter une propriété avec sa conjointe à lui. Puis là, sa conjointe, sa femme, elle panique parce que, bon, il y aurait des manifestations dans la maison. Puis le gars, il me demande mon avis. Là, je demande de me décrire la personnalité de sa conjointe parce que, bon, les phénomènes, il peut y avoir un contexte préalable qui va être prédisposé, puis tout, mais souvent, il va y avoir une personnalité qui va nourrir les phénomènes. Puis après, je demande, bon, il me décrit la personnalité de sa conjointe, puis comme de raison, bon, je vois certains traits au niveau, là, le côté psycho-affectif, émotionnel, que, bon, je me dis, bon, c'est elle qui nourrit le phénomène, c'est pas lui. Là, après, là, je veux comprendre le contexte. Je demande, c'est quoi donc cette maison-là que vous avez achetée? C'était quoi avant? Savez-vous c'était quoi? Un presbytère. Moi. Eh bien, hein? Un ancien presbytère. Une autre fois. Ça, ça remonte à plus loin, là, parce que ça remonte au milieu des années 80, là. J'étais un enfant. J'entends parler d'une maison. Puis beaucoup de monde en parle. Puis bon. C'est une maison assez spéciale au fond d'un cul-de-sac en pierre avec du lierre qui grimpe après. C'est assez spécial là, comme cabane. Là. Une drôle de maison. Puis par après, par la suite, à force d'entendre des affaires, en plus du monde qui ne se connaissent pas entre eux, là, qui finissent par me rapporter que dans cette maison-là, dans la cave, il y a des affaires. Il y a des manifestations. On n'a pas été instruit, c'est quoi les plans subtils, ces choses-là. Mais il y a de plus en plus, de plus en plus de monde commence à comprendre. Il y a de plus en plus, notamment, là, il y a un auteur qui avait étudié l'ufologie, puis il commence à comprendre. Ben, il est décédé aujourd'hui, mais je veux dire, ça fait partie de. On commence à comprendre que c'est sur Terre avec nous, ça tout le temps. Bon, en tout cas. Bon, puis là, par après, je finis par m'informer sur le passé de cette maison-là. Qu'est-ce qu'il y avait là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est juste au niveau la géologie du terrain, puis les aspects géomantiques de la maison? Des fois, ça arrive. Bon, comme par exemple, les Chinois sont calés là-dedans. Puis, je finis par apprendre que ce qu'il y avait là, c'était des bonhommes, une gang de bonhommes qui vivaient ensemble, des bérets blancs. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes instruit, comme par exemple les évangiles, ces affaires-là, que vous allez être instruit de certains les aspects subtils qu'il y a derrière les phénomènes. Puis souvent, il y a du monde inconsciemment, ils vont engendrer des prédispositions propices pour certains phénomènes. C'est pour ça que je t'allais dire au monsieur, le désespoir, tu vas l'avoir. C'est pas parce que j'y souhaite, c'est parce que je le sais. Je le sais. Parce que ça se sent. Puis je vais être franc avec vous autres, là, ça m'a drainé de l'énergie. Ça m'a drainé de l'énergie, comme un trou noir là, qui me tirait de l'énergie. Je le sentais, là. Puis quelqu'un de même, bon, il y en a en masse. Je veux dire, ça fait beaucoup là, que je côtoie que c'est comme ça. Ça arrive souvent. Puis habituellement, ben, ouais, mais je parle au niveau par l'expérience. C'est par l'expérience que je le sais. Mais comme on n'est pas instruit par rapport. Oui, on est bien calés, les Occidentaux, par rapport que, bon, on a eu les évangiles, on a eu des affaires de même, puis tout. Mais au niveau, les corps subtils, ces cossins-là, on n'est pas instruit ben. C'est comme quelqu'un qui joue à la balle molle, là, à un moment donné, il reçoit la balle de baseball, c'est pas si mou que ça, les balles molles. Il reçoit la balle de baseball à un endroit très précis, là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, 2 semaines plus tard, c'est des crises de larmes, puis la personne ne sait pas pourquoi. Ben ouais, mais ça, les Chinois sont courants, ces affaires-là. Il y a ce qu'on pourrait appeler, ce qu'eux autres y appelaient, mais c'est pas à traduire littéralement, mais des souffles. Ça circule d'une certaine façon dans le corps. Au niveau du corps physique, s'il y a un trouble qui est fait, bon, ça crée des congestions, ça va créer des troubles dans la bombe, puis après, ça peut se répercuter sur le corps émotionnel, par exemple. Donc, souvent, bon, la personne, un cas comme ça, souvent, tu vas dire, ben là, dis à quelqu'un de ton entourage de te masser les épaules. C'est d'être subtil, hein? Parce qu'on n'est pas pour se mettre à expliquer tout ça dans le détail. Le monde, ça les intéresse pas, dans le fond. Je vous parle du type de personne, comme je viens de là, je me suis tanné, là, je dis, oh, regarde. Voilà, ça va faire, là. Puis, sac-moi patience. Mais là, l'affaire, moi, je doute que ça va le tirailler. C'est-à-dire, il va se faire mettre les pensées dans la tête de revenir. Ben oui, parce que je le sais qu'en arrière, il y a. Pis ces affaires-là, ben, c'est pas parce qu'on les voit pas que c'est intelligent. Je veux dire, moi, des fois, souvent, ces forces-là, ces choses-là, je les trouve pas intelligentes. Vraiment pas. Puis, même ceux qui sont intéressés, par exemple, les Loas, dans le vaudou, comment que ces espèces de j'ose pas dire d'entité, là. Comment? Ben, c'est un côté enfantin, ça a un côté. Bon. Ben oui, c'est sûr, on a affaire à des choses. C'est pas l'intellect comme l'humain le connaît, son néocortex, là. Donc, c'est tannant, c'est tannant. Pour ce qui est ce que j'ai mis en ligne, les images, il y en a qui me parlent encore, et la matrice hexagonale. Ben oui, on est arrivé aux mêmes conclusions. Mais l'affaire, c'est que moi, c'est par les I Ching. Puis à un moment donné, j'avais montré comment j'étais arrivé par les I Ching à ça. À ces formes-là. Sauf que lui, la matrice hexagonale est arrivée à quatre formes de plus que j'avais pas vues. Mais ça m'a servi, ça m'a aidé par contre à compléter. Puis là, j'ai vu, on peut faire un cercle là, avec les 12. Puis là, on voit bien les décans, puis ces affaires-là. C'est très intéressant. Avec 4 triangles, là. Il y en a un noir là, par rapport à la Terre. Un bleu pâle, l'air, bleu foncé, l'eau. Un rouge, le feu. Puis, mais je n'ai trouvé un 13e. J'en ai trouvé. Mais il est pas. J'ai pas mis dans la petite vidéo que j'ai faite. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans. Ah, Eratum. Eratum. Il y a l'oiseau manqueur. Il a fait une vidéo. Puis dedans, il explique que. Bon, ça serait une fake news que Brigitte Macron avait voulu faire une verge géante là, sur la flèche de Notre-Dame de Paris avec les couilles en or. Donc, je suis allé revérifier. Ben, je trouvais ça bizarre parce que moi, l'information, je l'avais vue sur le site du docteur Leiby. Puis lui, d'habitude, il est très, très rigoureux. Puis quand quelque chose n'est pas vrai, il enlève l'affaire ou il va faire un erratum ou il va enlever l'affaire. Il est quand même très rigoureux, le docteur Leiby. Fait que là, je suis allé voir sur les sites, puis c'est encore là. Donc, j'ai fait une recherche, je suis allé voir, puis ça disait, dans le fond, ça, par ça vient de Mme Roselyne Bachelot, cette information-là, dans un livre qu'elle avait publié. Puis je suis allé voir, puis au niveau de ceux qui, les débunkers, là, si on peut dire. Puis finalement, l'affaire, c'est que c'est pas Brigitte Macron, elle a pas amené ça pour le défendre, puis tout, mais ça a réellement été proposé. Ça a réellement été proposé. Puis, ouais, c'était dans les propositions, les différentes propositions qui avaient été soumises à Madame Bachelot. Donc, bon, c'est pas Brigitte Macron qui a amené ça, mais il y a vraiment du monde qui ont voulu faire ça, puis qui ont proposé de faire ça. Et oui. Donc, bon. Là, pour... d'ici, bon, je pense, pour les prochaines semaines. Ben, franchement, moi, je n'interviendrai plus, même pas pour faire des compliments. Je veux dire, même quand je suis allé, comme j'étais allé sur une autre chaîne, puis même j'étais, c'était pour soutenir, puis ça allait dans le sens de... Mais ça, je le ferai plus. Je le ferai plus parce que ça attire les bébites. C'est pour ça que j'ai été confronté avec... voyons, c'est donc bien fatigant, ça. Ah non, qu'est-ce que... Maudite technologie que j'haïs ça. Bon, ok. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je m'en souviens plus. Ok, bon. C'est ça. Ça attire. Bon, pas le dire de même. Des trolls. Des trolls. Ils comprennent pas que au niveau de ce qu'il y a à comprendre, il n'y a pas de vue puis il n'y a pas d'intégration. Puis au niveau où il faudrait peut-être avoir un petit peu de compréhension, ben il n'y en a pas. Fait qu'au niveau des aspects sociaux, puis l'échange, puis tout ça, il n'y en a pas. Donc, c'est fatigant, ça m'a tiré de l'énergie, ben franchement, là, je vais être quelques semaines, là, je vais me reposer, là. Parce que là, on pourrait parler un peu... Bon, ça m'a drainé de l'énergie. Je sentais quelqu'un de... Hein, on y... Il y a une bébite qui est venue me têter de l'énergie, d'une certaine façon, à travers ce monde-là. Puis là, je suis fatigué, puis là, on le sent, le mépris, puis le... T'as beau essayer de... Non, ils respectent pas le... Bon. Ok, c'est correct. Puis moi, bon, c'est sûr, quand on me dit « Je vais prier pour toi », ben ça, c'était un petit peu la technique Daniel Ménard. Moi, je refuse jamais. Puis je suis tout le temps « Oh, oui, c'est très apprécié. » Puis c'est vrai aussi. Si au niveau de derrière, ce qu'il dit, c'est sincère, puis tout, c'est vrai que j'apprécie bien. Puis jamais je refuserai quelqu'un qui veut prier pour moi, puis tout. Mais des fois, c'est lié à un certain mépris. Puis on sent que c'est une façon de verticaliser le rapport. Il y a quelque chose, quelqu'un qui dit là, je vais prier pour toi. Des fois, on sent une certaine condescendance. Ça se sent, ces affaires-là. Ça se sent, ces choses-là. C'est pour ça que moi, je refuse jamais un petit peu la technique Ménard quand il était dans l'approbation. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi, je suis pas dans une angoisse, genre. Je n'ai pas une foi, genre, liée à la peur de l'enfer, des affaires de même. C'est d'autres choses, là. Donc, bon. Il y a une différence entre ce qui était appelé anciennement crainte Dieu puis la peur de l'enfer, là. Hein? Désolé, on sent des hommes inquiètes, hein? Vous savez, l'affaire, faut être comme des petits-enfants. C'est pas à prendre tant que ça, littéralement, au pied de la lettre. Hein? Il y en a qui sont restés des petits-enfants. À un moment donné, j'avais entendu Sabourin dire « L'enfant intérieur, faut lui tordre le cou. » J'avais trouvé que c'était pas fou. Ben, je comprenais. Je voyais derrière la forme ce qu'il voulait dire. Ah ben, oui, je comprends. Ben, c'est pas grave. Bon. Je sais pas, j'en veux pas pis tout, mais là, à un moment donné, il va falloir que je fasse d'autres choses, là. Ça me tente pas de... Rendu au jus de carotte, là. Hein? C'est pas drôle, ça, être obligé de spurger de même. Mais bon, ayant moi-même des facultés laxatives. Hein? Bon. Ben non, c'est sûr qu'il y en a qui me trouvent... ouais. C'est pas grave, c'est pas une raison pour venir chercher la confrontation tout le temps. Je veux dire, surtout que quand je m'en vais ailleurs, tu sais, j'essaie d'être dans l'approbation. Si j'étais dans la désapprobation, je me manifesterais pas ailleurs. Quand je suis réellement dans de la désapprobation, puis tout, je me manifeste tout le temps juste ici. Toujours. Donc, quand je m'en vais ailleurs, j'essaie d'être correct. Mais bon, tout de suite, il y en a qui veulent chercher à. Ils cherchent la petite bête noire. Comme j'avais dit, j'ai dit, bon, ben là, à un moment donné, j'avais dit, je me sens un peu comme une paysanne, là, que deux Dominicains veulent déshabiller pour chercher la marque du diable dessus, là, dans tous les replis de son corps. C'est un petit peu agressant. Puis c'est vrai, là, qu'à un moment donné, là, ça va faire, là. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, donc? Je pense que c'est tout. Donc, je vais peut-être prendre une petite pause. Une petite pause, un petit bout de temps. Parce que là, bon. Je vais, comme je vous dis, il y en a, c'est un petit peu, ils s'en rendent pas compte, hein, mais ils drainent de l'énergie. Puis bon. Puis comme je vous dis aussi, il y a certains aspects par rapport au subtil, puis les plans, puis comment ça marche, puis le monde n'est pas instruit de ça. Puis moi, même s'il y a certaines affaires que je sais, que je vois, puis le pire, c'est pas parce que j'ai eu le désir de connaître, mais c'est pas que j'ai eu la volonté de savoir à un moment donné. Même si je suis au courant puis tout, ben je suis porté à me laisser faire pareil des fois. Puis pourquoi? Parce que je me fais avoir par ma naïveté, ma bonne foi jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, là, ça suffit. Ça va faire. Donc, bon. Donc, salutations à tout le monde. Bonne journée. Ben, soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que je voulais parler. Ah, il m'est arrivé quelque chose dernièrement. Au niveau de certaines choses par rapport, je pense comme Ménard, puis comme d'autres ont dit, que oui, on peut plaindre le monde qui n'auront pas ce qu'on pourrait appeler leur contact. La capacité de. S'instruire par en dedans, si on peut dire. Par rapport à l'extérieur. Vous savez par quoi ils m'ont fait rêver dernièrement. Je me suis réveillé traumatisé. Mais une fois qu'on connaît comment ça marche, puis comment ils sont, on s'attend à n'importe quoi. C'est pour ça qu'on se laisse moins impressionner. Mais il reste, je me suis réveillé traumatisé. Vous savez pas, j'ai rêvé à quoi? J'ai rêvé que j'avais découpé le chat en morceaux, puis je l'avais jeté dans les poubelles. Puis réellement, c'était tellement un cauchemar. Ça m'a tellement marqué que je me suis réveillé traumatisé. Mais je veux dire sur le coup, là, mais le temps que je revienne, que je me réveille comme il faut, puis que je me rends compte que c'est juste un rêve. Par après, là, j'étais pas de bonne humeur. J'étais pas de bonne humeur que d'avoir m'ayant imposé un rêve déplaisant comme ça. Mais j'ai fini par savoir ce que ça voulait dire. Dans le sens que qu'est-ce que les intelligences au-delà de la forme voulaient me dire? J'ai fini par le voir. J'ai fini par le voir. C'était pas négatif tant que ça. Par après, bon, ces temps-ci, je rêve énormément. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'activités psychiques. Hein? On dirait en ce moment, on rêve plus un peu. Puis, bon, ce matin, j'ai rêvé d'un bâtiment que je connais. Puis là, derrière, il y avait un avion qui est arrivé puis qui avait atterri. Puis là, par après, je regardais ça. Je dis, bon, encore, qu'est-ce qu'il y a encore au-delà de la forme par rapport à ça? Puis finalement, bon, je le vois un peu, là. Je le vois un petit peu. Mais bon, ça veut dire que j'ai pas trop à m'inquiéter tant que ça. J'ai pas trop à m'inquiéter tant que ça. On arrive à une nouvelle phase, en tout cas en ce qui me concerne. Alors, je m'en vais sur d'autres choses. Je m'en viens sur d'autres choses.